Adèle, Adèle, elle a des larmes qui étincellent dans ses pupilles. Ça fait son charme, elle a les yeux qui pétillent. Adèle, Adèle, elle a des lunes, elle a des lunettes sur les yeux. Ça fait des lunes, ton joli nez trône au milieu. Adèle, Adèle, on dira d'elle ce qu'on voudra, mais on fera pas d'elle une beauté froide recluse dans sa citadelle. Adèle, Adèle, on dira d'elle ce qu'on voudra, mais on fera pas d'elle une beauté froide recluse dans sa citadelle. Adèle, Adèle, elle a des lignes qui lui creusent un peu les paupières. Ça lui souligne les yeux qui sont les plus rares des pierres. Adèle, Adèle, elle a des lampes pour bronzer sa peau aux UV. Ça coûte les lampes, elle s'épile le moindre duvet. Adèle, Adèle, on saura d'elle ce qu'elle voudra bien dire à Adèle. La douche froide à celui qui se moquera d'elle. Adèle, Adèle, on saura d'elle ce qu'elle voudra bien dire à Adèle. La douche froide à celui qui se moquera d'elle. Adèle, Adèle, elle a des linges qui sentent bon l'adoucissant. Des pinces à linge, elle en a bien 500 ou 600. Adèle, Adèle, elle a des lettres, elle en a bien au moins autant. Ce sont mes lettres qu'elle lira quand elle aura le temps. Adèle, Adèle, on voudra d'elle autant que moi j'ai voulu d'elle. Mais l'aura pas celui qui ne s'occupe pas d'elle. Adèle, Adèle, on voudra d'elle comme d'un oiseau qui n'a pas d'aile. Mais l'aura pas celui qui ne s'occupe pas d'elle.